Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 60. Des jugements. Le jugement est un acte de la justice, condition de licité, jugement par soupçon, interprétation des choses douteuses. Doit-on toujours juger d'après le texte des lois, du jugement par usurpation? 1. Le jugement est-il un acte de la justice? Le jugement désigne proprement l'acte d'un juge exerçant ses fonctions, il consiste à déterminer le juste ou le droit. Or une bonne définition à l'égard des actes vertueux est l'effet propre de l'habitude de la vertu, ainsi l'homme chaste détermine parfaitement ce qui appartient à la chasteté. En ce sens-là le jugement, qui implique la notion exacte de ce qui est juste, revient proprement à la vertu de justice, et ce n'était pas pour une autre raison que le philosophe disait, « Les hommes ont recours au juge comme à la justice vivante. » Note. Il faut, pour la rectitude du jugement, deux choses, la raison et la disposition à bien juger. Sous ce dernier rapport, le jugement procède de la justice. Il s'agit principalement dans cette question des jugements que rendent les tribunaux. Fin de la note. 2. Est-il permis de juger? Le jugement est licite moyennant trois conditions. Il faut qu'il soit inspiré par l'amour de la justice, qu'il provienne d'une autorité légitime, qu'il soit porté avec droiture et prudence. Si l'une de ces conditions manque, il est vicieux et illicite. Est-il prononcé contre la droiture de la justice, il est injuste et pervers. Porte-t-il sur des matières qui ne sont pas dans la compétence d'un juge, il est usurpé. Manque-t-il de certitude, il est téméraire. Note. Le Seigneur, en disant, « Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés », Matthieu 7, 1, nous défend le jugement téméraire qui porte sur les intentions d'autrui ou sur des faits incertains, il défend aussi les jugements qui, dépourvus de bienveillance, sont dictés par le ressentiment. Le juge est le ministre de Dieu, aussi l'Écriture, après ses paroles, jugez selon la justice, ajoute parce que c'est le jugement de Dieu que vous rendez. Deutéronome 1, 16. Fin de la note. 3. Le jugement fondé sur un soupçon est-il illicite? Le soupçon implique une mauvaise opinion des autres sur de légers indices. Trois causes le font naître. Il provient, en premier lieu, de ce que le méchant, par la conscience qu'il a de sa propre malice, croit facilement le mal chez les autres. L'insensé, dit l'Écriture, croit que tous sont insensés, parce qu'il est lui-même insensé. Ecclésiaste 10, 3. Il provient ensuite d'une mauvaise disposition à l'égard de quelqu'un. En effet, méprisons-nous une personne, la haïssons-nous, avons-nous contre elle de l'irritation ou de l'envie, nous en concevons une opinion défavorable pour les moindres motifs, nous croyons très facilement ce que nous désirons. Il provient, en troisième lieu, de l'expérience par laquelle, en avançant en âge, on connaît mieux les défauts d'autrui. Aussi les vieillards sont-ils plus soupçonneux que les autres. Les deux premières causes accusent toujours un vice, parce qu'elles tiennent toujours à la dépravation de la volonté, mais l'expérience affaiblit le soupçon dans sa nature même, en tant qu'elle conduit à la certitude, qui lui est contraire. Ainsi le soupçon est toujours mauvais d'une certaine manière, et il l'est d'autant plus qu'il est plus grand. On y distingue trois degrés. Au premier, on commence à douter de la bonté de quelqu'un sur de légères apparences. Cette faute, qui appartient aux tentations de cette vie, dont personne n'est exempt, est légère et vénielle. Au second degré, on tient pour certaine la malice d'autrui, toujours sur de faibles apparences. S'il s'agit de choses graves, cette sentence définitive est un péché mortel, en tant qu'elle implique le mépris du prochain. Le troisième degré est celui où un juge condamne un accusé sur un soupçon. Il y a là une injustice directe, et par conséquent un péché mortel. 4. Doit-on interpréter favorablement les choses douteuses? Avoir sur quelqu'un une mauvaise opinion insuffisamment motivée, c'est lui faire injure et le mépriser. Or, sans des raisons qui nous y autorisent, nous n'avons pas le droit de mépriser notre prochain, ni de lui causer quelque dommage. Nous devons donc le considérer comme bon, et interpréter favorablement ce qui est douteux, tant que nous n'avons aucune preuve évidente de sa méchanceté. Note. Sans doute, il pourra arriver fréquemment que celui qui interprète ainsi les actions d'autrui soit dans l'erreur. Mais il vaut mieux se tromper souvent en supposant vertueux un homme qui ne l'est pas, que de se tromper quelquefois en condamnant un homme de bien. Dans ce dernier cas, on ne fait injure à personne. Il n'en est pas de même dans le premier. Ne croyons pas que l'erreur où nous tombons en pensant bien d'une personne mauvaise fasse tort à notre jugement, elle témoigne plutôt en faveur de la bonté de notre cœur. Fin de la note. 5. Doit-on juger d'après les lois écrites? Un jugement est la définition ou la détermination de ce qui est juste. Or une chose est juste de deux manières. Par sa nature même, de droit naturel, et par une sorte de convention, qui prend le nom de droit positif. Les lois écrites formulent ces deux sortes de droits. Elles contiennent le droit naturel, sans l'établir, car il tient sa force de la nature, mais, pour le droit positif, elles le contiennent et l'établissent tout à la fois. Il est nécessaire, en conséquence, que les jugements soient rendus d'après elle, autrement, ils s'écarteraient de la justice naturelle ou de la justice positive. Note. Les lois écrites, dira-t-on, sont quelquefois injustes, il est même des circonstances où le législateur, s'il était présent, jugerait contre le texte de sa loi. On ne doit donc pas toujours juger d'après les lois écrites. Nous ne parlons pas des lois injustes ou défectueuses. Si la loi écrite est contraire au droit naturel, elle est une altération de la loi, et non une loi, on ne doit pas y conformer ses jugements. Nous convenons, en outre, que les lois justes elles-mêmes peuvent être défectueuses en quelques points, et qu'en s'y conformant on irait contre le droit naturel. Dans ces circonstances, on doit s'écarter de la lettre, pour en revenir à l'équité, que le législateur a en vue. Les lois écrites sont des formules où l'on cherche à exprimer le moins imparfaitement possible ce que demande la justice naturelle dans telles et telles circonstances déterminées. La loi suprême de toute loi positive est qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle. Confère Victor Cousin. Fin de la note. 6. Le jugement par usurpation est-il injuste? Qui êtes-vous, disait l'apôtre, pour juger un serviteur qui n'est pas le vôtre? Romains 14, 4. Comme il serait injuste de contraindre un homme à l'observation d'une loi que l'autorité publique n'a pas sanctionnée, il est également de le forcer à subir un jugement usurpé, où cette autorité fait défaut. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.